Chapitre 6e. J'ai dit que les enveloppes de verre où nous avions la tête prise ne laissaient filtrer aucun son ni au dedans ni au dehors. Pourtant, tous, très clairement, nous entendîmes ce rire. Nous fîmes demi-tour et la surprise nous rendit quoi? Un homme se penchait contre un des piliers de la salle. Les bras croisés, il attachait sur nous des yeux enflammés et maléfiques. Un homme, ai-je dit. Mais il ne ressemblait à nul homme que juste auparavant rencontré. Il respirait et parlait comme nul homme n'eût pu respirer ni parler. Sa voix portait comme n'eût porté la voix d'aucun homme. Et par cela seul, il s'affirmait différent de nous. Considéré sous le seul aspect extérieur, il constituait un être magnifique, haut de 6 pieds pour le moins, et bâti en athlète idéal, ce que faisait encore ressortir la rigoureuse convenance de son costume avec sa silhouette. Son visage était celui d'une statue de bronze où le ciseau d'un maître eût cherché à traduire tout le pouvoir et aussi tout le mal capable de se manifester sur des traits humains. Il n'était ni gros ni gras. De telles particularités eussent dénoté chez lui de la faiblesse, alors qu'il n'en portait pas trace. Au contraire, il était d'un dessin extrêmement précis, aigu, avec un nez en bec d'aigle, des sourcils noirs hérissés, des yeux sombres, où couvaient et par moments flamboyaient du feu intérieur. Ils avaient, ses yeux, quelque chose de nocif et d'impitoyable, et avec la beauté cruelle de sa bouche rectiligne, dure, inflexible, comme le destin, il contribuait à l'expression terrifiante de son visage. Nonobstant la splendeur de sa personne, on sentait, à le voir, qu'il logeait la méchanceté dans les moelles. Son regard était une menace, son sourire un persiflage, son rire un mépris. « Messieurs, nous dit-il dans un anglais irréprochable, d'une voix qui sonnait aussi claire que si nous nous étions retrouvés à la surface du globe, vous avez eu naguère une aventure bien étonnante. Eh bien, il y a des chances pour que l'avenir vous en réserve une plus curieuse encore, à laquelle il se peut que j'ai l'agréable mission de mettre brusquement fin. Notre conversation va sans doute se réduire à un monologue. Mais je lis parfaitement dans votre pensée. Je n'ignore rien de vous. Ne craignez donc aucun malentendu. Vous avez beaucoup, beaucoup à apprendre. » Nous nous regardâmes les uns les autres, interdits et désemparés. Évidemment, il nous était pénible de ne pouvoir confronter nos réactions respectives devant un incident si imprévu. Le rire agaçant résonna de plus belle. « Oui, évidemment, c'est pénible. Mais vous pourrez causer entre vous une fois revenu d'ici, car je désire que vous en reveniez, porteur d'un message. N'était ce message, je crois que votre visite chez moi vous eût été funeste. Mais il y a des choses que je tiens à vous dire. C'est à vous que je m'adresserai, docteur Maracotte. Vous êtes le plus âgé du trio et vraisemblablement le plus sage, bien qu'il ne soit pas très sage d'avoir voulu faire une excursion comme celle-ci. Vous m'entendez parfaitement, n'est-ce pas ? Un signe d'affirmation ou de dénégation est tout ce que je vous demande. Naturellement, vous savez qui je suis. J'ai idée que vous m'avez découvert récemment. Nul ne peut s'occuper de moi, soit en parole, soit en pensée, sans que je le sache. Nul ne peut pénétrer de mon antique demeure, forcer l'intimité la plus profonde de mon sanctuaire, sans exercer sur moi un appel. C'est pourquoi les pauvres hères dont vous partagez la vie se détournent de moi et cherchaient à vous en détourner. Vous auriez dû les croire. Vous m'avez attiré à vous, et ceux qui m'attirent à eux, je ne les lâche pas tout de suite. Votre esprit, avec son petit grain de science terrestre, est en train de s'évertuer sur les problèmes que je lui propose. D'où vient, par exemple, que j'ai la faculté de vivre ici sans oxygène? Mais je ne vis pas ici. Je vis dans le vaste monde des hommes sous le soleil. Je ne vis ici que lorsqu'on m'y appelle, comme vous venez de le faire. Mais je suis une créature qui respire l'éther. Il y a ici autant d'éther qu'à la cime d'une montagne. Dans votre espèce même, il est des individus capables de vivre sans air. Ainsi, pendant des mois, le cataleptique. Ma différence avec lui, c'est que je garde, ainsi que vous le voyez, la faculté d'agir et la conscience. Vous vous demandez en outre comment il se peut que vous m'entendiez. Mais n'est-ce pas le propre même de la transmission radiographique qu'elle passe de l'éther dans l'air? Pareillement, j'agis sur mes mots d'une manière telle que leur émission éthérique frappe vos oreilles à travers ces grossières enveloppes remplies d'air. Et mon anglais? J'espère qu'il vous paraît assez pur. J'ai vécu un certain temps sur la terre. Oh, ma foi, un temps que j'ai trouvé fastidieux, bien fastidieux. 11 000 ans, ou 12? Plutôt 12, si je ne me trompe. J'ai donc eu le loisir d'apprendre tous les langages. mon anglais n'est ni moins bon ni le meilleur. Ai-je résolu quelques-uns de vos doutes ? Parfaitement. Je vous vois, si je ne vous entends pas, mais il me reste des choses plus sérieuses à vous dire. Je suis Baal Sepa. Je suis le Seigneur à la sombre face. Je suis celui qui entra si abond dans les secrets de la nature qu'il nargua la mort elle-même. J'ai si bien façonné les choses que le voudrais-je, je ne saurais mourir. Il faudrait, pour que je mourusse, qu'une volonté se rencontrât supérieure à la mienne. Mortel que vous êtes, ne souhaitez jamais qu'on vous délivre de la mort. Elle peut sembler terrible, elle l'est infiniment moins que la vie éternelle. Durez toujours, durez sans trêve, quand la procession humaine défile interminablement devant vous. Assis au bord du chemin, voir l'histoire dans sa marche ininterrompue vous laisser en arrière. Est-il surprenant que j'ai un cœur noir tout gonflé de fiel et que je maudisse le stupide troupeau des hommes? Je leur fais du mal quand je peux. Pourquoi m'en priverais-je? Vous vous demandez comment je peux leur faire du mal. Eh bien, j'ai pour cela des moyens qui ne sont pas petits. Je gouverne à mon gré les esprits. Je commande à la multitude. Là où se trouve le mal, je m'y trouve toujours. J'étais avec les Huns quand ils saccageaient une moitié de l'Europe. J'étais avec les Sarrasins quand, au nom de la religion, ils passaient au fil de l'épée tous ceux qui ne partageaient pas leurs croyances. Je courais les rues dans la nuit de la Saint-Barthélemy. J'institue en secret le trafic des esclaves. C'est sous mon inspiration qu'on brûla vive 10 000 bonnes vieilles accusées de sorcellerie par des imbéciles. Je suis le grand personnage obscur qui menait la populace de Paris quand le sang arrosait les pavés. Tant heureux, hélas, trop rare, mais qui viennent de renaître, et dans des conditions encore meilleures. C'est de Russie que j'arrive. J'avais à demi oublié cette contrée qui perpétue certains arts, certaines légendes du grand pays où la vie fleurissait jadis comme elle n'a plus jamais fleuri sur terre. C'est vous qui m'en avez fait souvenir, car des vibrations personnelles, dont ne sait rien votre science, continuent de relier cette antique demeure, qui est la mienne, à celui qui l'édifia et l'aima. Je sus que des étrangers y avaient pénétré, m'y voilà. Et du fait que m'y voilà, pour la première fois depuis des milliers d'années, je me rappelle ces Atlantes. Ils ont suffisamment traîné une existence vaine. Il est temps pour eux de disparaître. Ils doivent la vie à un homme qui jadis me brava et construisit ce refuge en prévision du cataclysme où tout un peuple devait s'engloutir, hors ces gens et moi-même. Sa prudence les sauva, mes pouvoirs me sauvent. Mais le jour est venu où mes pouvoirs écraseront ce qu'il sauva et l'histoire sera complète. Il mit la main sous son vêtement, à la hauteur de la poitrine, et il en retira un écrit. « Vous voudrez bien, reprit-il, remettre ceci au chef des rats de mer. Je regrette, messieurs, que vous ne partagiez le sort de ces gens, mais ce n'est que justice, puisque vous êtes la cause première de leur infortune. Nous nous reverrons. En attendant, je vous recommande l'étude de ces effigies et de ces sculptures. Elles vous donneront un aperçu du niveau où j'avais porté Atlantis autant qu'elle subissait ma loi. Vous y trouverez quelques témoignages des mœurs et coutumes qu'elle pratiquait sous mon empire. La vie alors était variée, haute en couleurs, riche d'aspect. C'est ce qu'à l'époque où nous sommes vous appelleriez une orgie de perversité. Appelez cela comme il vous plaira. Je l'instaurerai dans Atlantis, je m'y complus, je n'en ai point de regret. Mon heure reviendrait-elle, j'en ferai autant sinon davantage, à cela près que je m'épargnerai le don fatal de la vie éternelle. Sous ce rapport, Wanda, mon ennemi d'autrefois, que je maudis et qui tourna le peuple contre moi, fut de nous deux le plus avisé. Il lui arrive encore de visiter la terre, mais en tant qu'esprit, non plus en tant qu'homme. Je vous laisse. Vous êtes venus ici en curieux, mes amis. Je ne doute pas que votre curiosité ne soit satisfaite. Et sur ce, nous le vîmes disparaître. Littéralement, il s'évapora sous nos yeux. Cela se fit en une seconde. Il se détacha du pilier où il s'adossait. Sa silhouette superbe sembla se brouiller sur les bords. La flamme de ses yeux s'éteignit, ses traits s'effacèrent. Bientôt il ne fut plus qu'un fil de fumée qui se tourdit pour aller se perdre dans les hauteurs noyées de l'effrayante salle, et nous restâmes là, écarquillant les prunelles, nous entre en regardant et nous émerveillant sur les possibilités inouïes de la vie.